Pourquoi me refuser depuis si longtemps ce que mon âme te souffle si doucement? Pourquoi m'isoler pendant tout ce temps dans cet infini où c'est toi que j'attends? Étoile noire dans le firmament, briller m'attire malicieusement. L'univers est pris d'un grand tremblement, et voilà mon âme déchirée qui ment. Et orages violents nous sont devenus quotidiens maintenant. Et l'ombre du doute omniprésent présage-t-elle d'un cruel dénouement? Est-ce la loupe d'un nouvel engagement?